Alors, on y va. On est dans la manif au début. Et donc, je vois une pancarte désobéissance civile contre la posture. Donc voilà, ce slogan, c'est juste pour englober en fait le ras-le-bol général. Quoi. Ça ne reste pas que sur les salaires, hein, le pouvoir d'achat, c'est aussi les OGM, c'est aussi le rapport Koutik sur la réforme en fait, hospitalière en psychiatrie, ouais. Hein, qui appelle aussi à la désobéissance civile. C'est les sans-papiers, c'est tout ce qui nous fait chier. Quoi. Parce que donc, c'est vrai que le mouvement de la désobéissance civile, c'est quelque chose qui est assez vieux, hein. Il y a Taureau, etc. Ça a réapparu en France, situé en effet autour avec les faucheurs. Voilà, avec les faucheurs, voilà. Et on l'a vu apparaître dans l'éducation nationale assez récemment par rapport aux primaires. Mm-hmm. Donc vous-même, vous êtes salarié de quel... Moi, je suis salarié du centre hospitalier Sainte-Marie, en fait, en psychiatrie. D'accord. Et donc, c'est aussi un mouvement, la désobéissance, qui commence à poindre son nez. Moi, je n'avais pas entendu parler dans le milieu hospitalier. Voilà, vous allez sur site internet, c'est la nuit sécuritaire, voilà, où ils appellent à la désobéissance civile par rapport à ce rapport. Mais voilà, pour moi, c'est plus un engagement global, hein, si vous voulez. Là, je suis engagée aussi en tant que faucheur volontaire. Sauvez emplois. Arrêt, licenciement. Donc je vois sur votre pancarte, non à l'ouverture des magasins le dimanche. Voilà. Donc c'est un premier message à faire passer au gouvernement. Voilà, en fait, on veut faire croire que c'est que des volontaires qui travaillent le dimanche. En fait, c'est du volontariat forcé dans le sens où, comme les salaires sont bas, on est obligé de travailler les dimanches pour subvenir à nos besoins. Subvenir à nos besoins, c'est juste payer nos loyers, payer nos assurances auto, pour pouvoir vivre dignement, avec un salaire digne. Au-delà de dire travailler plus pour gagner plus, travaillons, gagnons un salaire décent, et si vraiment on veut être volontaire pour gagner plus, c'est que dans ces conditions qu'on aura affaire à des véritables volontaires. Vous-même, vous travaillez peut-être dans un magasin, c'est ça ? Je suis effectivement salarié dans un grand groupe de distribution clermontois et qui, pour l'instant, obéit aux ordres d'une direction nationale qui décide de faire le forcing pour obliger les préfets, les maires à donner une autorisation dominicale et qui dit si ce genre de mesure passe, le fait d'être payé double, petit à petit s'annulera et au lieu d'être payé double, on sera payé que 20% comme dans les supermarchés qui sont à l'heure actuelle, eux, les gens qui sont en première ligne pour les ouvertures dominicales. Elle n'a pas amélioré notre quotidien. Pire, pour elle, nous avons dilapidé les richesses collectives. L'environnement est sacrifié. Un système de soins de moins en moins solidaire. Des retraites de plus en plus petites et lointaines. Une école de moins en moins égalitaire. Pour une société qui s'inquiète réellement du bonheur de ses membres, une société meilleure, changeons de lunettes. Abandonnons les seuls indicateurs de croissance économique pour adopter les indicateurs de croissance du développement humain. Exigeons la croissance de l'éducation, des libertés fondamentales, de la santé publique, de la protection de l'environnement, du partage des richesses et du pouvoir. Arrêtez de travailler. Tous au jardin. Arrêtez d'acheter. Arrêtez de vous vendre. Sauvons les grenouilles. Libérez les travailleurs. Alors là, c'est un mix. Les travailleurs au jardin, on les libère et après on les envoie au jardin. Ouais. Parce qu'ils arrêtent d'acheter, ils arrêtent de travailler, ils arrêtent de se vendre, ouais. Et ils arrêtent d'acheter. Donc du coup, il faut trouver une autre activité. Ils peuvent aller dans les jardins pour se procurer à manger, quoi. Et est-ce que c'est un slogan de droite, ça ? Oui, un slogan de droite, de gauche, de centriste, de centre-droit, de centre-gauche, d'extrême droite et d'extrême gauche. Enfin, tous ensemble, bien sûr. Nous prenons l'unité. Nous sommes pas pour la l'unité. Division. Nous sommes pour la libération des travailleurs. L'exploitation de l'homme sur l'homme doit arrêter. Faites pousser des carottes et des pommes de terre. Du pognon, il y en a dans les caisses du patronat. Et voilà, ils suivent pas. Alors sur ta pancarte, c'est mis hexagone, si tu rêves, réveille-toi et rêve éveillé, c'est le printemps. Eh oui, car c'est le printemps. Et bientôt le temps des cerises aussi. Ouais. Donc c'est la montée de sève, c'est ça fleurit, l'énergie. Ça bourgeonne, ça nous... C'est l'énergie ascendante qui doit nous élever, nous pousser pour un monde meilleur. Donc je suis Alexandre Dupont, je suis président départemental du syndicat CFE-CGC. Nous sommes un syndicat représentatif des cadres, des ingénieurs, des agents de maîtrise et des techniciens. Ouais. Voilà. Et donc, on va dire que c'est plutôt rare que les cadres, tout ça, descendent dans la rue. Enfin, en tout cas, j'exprime mon point de vue, hein, ce qui n'est pas... Effectivement, oui, c'est pas notre façon de voir les choses. D'habitude, nous ne sommes pas très manifestations, c'est pas dans notre histoire. Néanmoins, la situation aujourd'hui fait que nous sommes dans la rue, nous avons été présents aussi le 29 janvier. Il y a aujourd'hui quand même un problème au niveau de l'encadrement. Et donc il se passe quand même des choses relativement graves. La crise économique qui fait suite à la crise financière, eh bien, on ne comprend pas pourquoi les salariés doivent subir ce qui se produit. Parce que depuis des années, il y a eu des efforts de fait en matière de productivité, d'amélioration, etc. Et aujourd'hui, on va payer deux fois le prix par du chômage partiel. Donc il va amputer nos salaires, et ensuite sur le plan fiscal, où effectivement c'est quand même les classes moyennes qui vont payer tout ce qui est accordé d'aide aux entreprises. D'accord. Donc vous, vos suggestions, ce que vous aimeriez, ce que vous proposez dans les négociations, quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme mesure à faire par rapport à la crise? Je crois qu'aujourd'hui il y a des mesures qui doivent être prises sur le plan d'aide, si vous voulez, au niveau du pouvoir d'achat, parce que jusqu'à présent, je ne reproche pas au gouvernement de ne pas avoir fait quelque chose. Avec le budget qui existe actuellement en France, le président Sarkozy a fait des mesures sociales, certaines mesures sociales d'aide pour les entreprises. Et aujourd'hui, je crois que c'est les employeurs qui doivent participer à nous sortir, à nous aider un petit peu pour sortir de cette crise. Et jusqu'à présent, effectivement, du côté du patronat, c'est un blocage qui n'apporte rien du tout. Arrêtez de travailler! Allez au jardin! Libérez-vous de cette oppression! Il est où le jardin? Supermarché! Tous au jardin! Il est où le jardin? Il est où le jardin? Autour de la ville! Autour de vous! Sous les pavés? Sous les pavés? Il faut savoir qu'il y a énormément de pollution qui est générée par la remontée des minéraux au-dessus de la terre et que nous avons goudronné une surface de la terre très impressionnante et que ça empêche l'eau de pénétrer la terre. Regarde, tout ce goudron. Et tout ça pour l'automobile! Et le fric! Encore le fric! Plus de fric!